of lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can snow me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Bohemian Rhapsody Queen sur RGM. Un peu plus de 8h38, on fait un point maintenant sur tous ceux qui sont nés un 19 juillet 1946. Naissance d'Ilie Năstase, ancien joueur de tennis roumain, premier numéro 1 mondial du classement ATP. Il a remporté l'US Open en 72, Roland Garros en 73. Il a gagné 87 tournois en simple et 55 en double. 1947, naissance de Bernie Lydon, musicien américain, membre fondateur du groupe Eagles. Et on écoute tout de suite un extrait de leur titre Take It Easy. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend. Let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Sweet love is good. l'extrait du groupe Eagles. On reste en 47 avec la naissance de Brian May, musicien, auteur, compositeur britannique, cofondateur et guitariste du groupe Queen. 1955, naissance de Karen Cheryl, chanteuse, musicienne, actrice, animatrice française. Connue pour son rôle de Karen dans la série Les Filles d'à côté ainsi que dans Les Nouvelles Filles d'à côté. Et notamment connue pour le titre Les Nouveaux Romantiques, la version française du célèbre titre Sara Perchetti Amo, dont on écoute tout de suite un extrait. Génération, il a des chansons et le courage de Danton. Pour lui, je peux faire l'Atlantique en solitaire. Sa vie est la mienne et c'est pour ça que je l'aime. On est en romance, cœur contre cœur bien branché. On est en fréquence sur la ligne de nos idées. On est en instance de vouloir tout partager. Voilà pour l'extrait du titre Les Nouveaux Romantiques, donc de Karen Cheryl. Allez, on continue les anniversaires. 1961, naissance de Campbell Scott, acteur américain, vu dans Le Choix d'Aimer dans le rôle de Victor Geddes, The Amazing Spider-Man dans le rôle de Richard Parker, la série télé Six Degrees dans le rôle de Steven Kaysman, ou encore les saisons 5 et 6 de House of Cards dans le rôle de Mark Usher. 1962, naissance d'Anthony Edwards, acteur américain, connu pour son rôle du lieutenant J.J. Nick Bradshaw alias Goose dans le célèbre film Top Gun aux côtés de Tom Cruise. Et d'ailleurs, Tom Cruise a publié hier sur son compte Twitter la bande-annonce de Top Gun Maverick qui sortira l'été prochain. Allez voir ça. Et Anthony Edwards est également connu pour son rôle du docteur Mark Green dans la série télé Urgence et vu aussi dans la série Blue Bloods. 1963, naissance d'Emmanuelle Mottaz, chanteuse française, connue pour avoir interprété le titre Premier baiser de la série Premier baiser. Hein, ça date de 1986 pour les trentenaires. Petit souvenir. Voilà pour l'extrait donc de Premier baiser. Allez, on continue les anniversaires. 1970, naissance de Sinclair, chanteur français qu'on écoutera dans quelques instants. 1971, naissance de Urs Böller, ténor suisse, membre du groupe Il Divo. Ils ont repris le titre Alléluia. Petit extrait. Acaso él regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Voilà pour l'extrait du titre Alléluia. On continue. 1973, naissance de Saïd Tagmaoui, acteur français vu dans La Haine dans le rôle de Saïd, héroïne, G.I. Joe le réveil du cobra dans le rôle de Breaker, Conan, Wonder Woman, la série télé Lost le disparu dans la saison 5 dans le rôle de César. 1976, naissance de Benedict Cumberbatch, acteur anglais vu dans la trilogie du Hobbit dans le rôle du nécromancier Sauron et Smaug, 12 Years a Slave, Star Trek Into Darkness, The Lander 2, Doctor Strange dans le rôle de Stephen Strange, alias Doctor Strange, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Thor, Ragnarok, Avengers Infinity War et Avengers Endgame, et vu dans la série télé Sherlock dans le rôle de Sherlock Holmes. 1981, naissance de Xavier Malisse, ancien joueur de tennis belge, ayant fait carrière de 1998 à 2013, qui en simple a été 19e mondial en 2002, demi-finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à Roland-Garros, l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie, en double 25e mondial en 2011. Il a gagné une fois Roland-Garros, 8e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à l'Open d'Australie. 1982, naissance de Jared Padalecki, acteur américain, vu au cinéma dans La Maison de Cire ou encore Vendredi 13, et à la télévision, connu pour ses rôles de Dean Forrester dans la série Gilmore Girls, mais surtout son rôle de Sam Winchester dans la série Supernatural. 1986, naissance de Laurent Pichon, cycliste sur route français, professionnel depuis 2010, qui a remporté la Coupe de France de cyclisme sur route en 2017 et champion de France du scratch en 2010. 1993, naissance de Bjorn Fratangelo, joueur de tennis américain, professionnel depuis 2012, 99e mondial, c'est son meilleur classement à l'ATP, c'était en 2016, 32e de finaliste à Roland-Garros, c'est sa meilleure performance en Grand Chelem, et sinon à l'Australie, Wimbledon et à l'US Open, il a fait 64e de finale. En 2014, décédait James Garner, acteur américain, vu dans Victor Victoria dans le rôle de King Marchand, N'oublie jamais dans le rôle de Noah Calhoun, ou encore la série télé Touche pas mes filles dans le rôle de Jim Egan. Allez, tout de suite, on s'écoute Sinclair avec le titre « Si c'est bon comme ça ». Si c'est bon comme ça, c'est si bon comme ça. D'être maladroite, il est un peu fêlé. Elle n'est pas diplomate, il n'est pas diplômé. Elle fume de gros cigares quand elle sèche la fâche. Il abuse des pétards, mais bosse comme un maniaque. Si c'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça, quand tout se mélange, donne un goût étrange. Elle regarde la télé et parle au téléphone. Il aime le franc parler, mais ne parle à personne. Ils sont souvent chics, mais rarement en même temps. Ils n'ont jamais d'Afrique, mais on dépense pourtant. Si c'est bon comme ça, ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça, quand tout se mélange dans un goût étrange. Voir l'air naturel, il aime se débrouiller tout seul, mais pas sans elle. Elle écoute ses parents, la pauvre, mais ne croit que son mec. Il lui parle doucement, c'est ce qui lui cloue le bec. Si c'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. Se mélange, ça donne un goût étrange. Si c'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Oh, comment? Ça donne un goût Sinclair, si c'est bon comme ça, sur le 107 FM, un peu plus de 8h52, on fait un point météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, mais normalement rien de bien méchant, en tout cas pour aujourd'hui. Des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés prévus pour cet après-midi. Samedi, ce sera du soleil, en tout cas en matinée, puisque des orages sont à prévoir pour samedi après-midi. Mais bon, les orages, soit ça tombe, soit ça tombe pas. On aura la surprise samedi. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés samedi matin, entre 28 et 30 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche matin, on devrait avoir quelques résidus de pluie avant d'avoir une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 19 et 20 degrés dimanche matin et entre 26 et 28 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tour de France, la 12e étape hier a été remportée par Simon Yates, le premier français. C'est Tony Galopin qui s'est classé 17e, Julien Alaphilippe lui s'est classé 31e à 9 minutes 35 du vainqueur. Mais il est toujours en jaune, d'ailleurs pas de changement pour les maillots distinctifs. Aujourd'hui, 13e étape, le contre-la-montre individuel, 27,2 km d'Empo. Donc voilà, Julien Alaphilippe va devoir s'arracher pour conserver ce maillot jaune et il devra s'arracher également pour les étapes de samedi et dimanche. Samedi, 14e étape entre Tarbes et Tourmalet-Barèges, 117,5 km à parcourir. C'est une étape de montagne, bien évidemment. Il y aura une côte de 4e catégorie, un col de 1ère catégorie, un sprint intermédiaire et enfin, il faudra gravir le Tourmalet hors catégorie. Dimanche, 15e étape entre Limoux et Foix-Pradalbi, 185 km, étape de montagne là aussi. Un col de 2e catégorie, un sprint intermédiaire. Il faudra gravir ensuite le port de l'Hers de 1ère catégorie, le mur de Péguerre 1ère catégorie aussi et une arrivée classée 1ère catégorie également. Et après tout ça, lundi, ce sera du repos bien mérité là aussi. Allez, on continue avec du football et l'Euro U19 où nos Bleuets sont qualifiés pour les demi-finales. On termine avec du tennis à Bastad, qualification de Richard Gasquet en 3-7 face à Novak, 4-6, 6-3, 6-4. Il affrontera aujourd'hui Landero et on retrouvera également Jérémy Chardy opposé à Jarry. Au tournoi de Newport, aujourd'hui Humbert affrontera Ivashka et à Lausanne, Ferro s'est qualifié hier en 3-7 face à Buzarnescu, 1-6, 7-6, 7-5. Elle affrontera aujourd'hui Stosur. Et il y aura également Alizé Cornet opposée à Viklianseva. À vos souhaits. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 2005 aujourd'hui. C'était le groupe Des Îles avec le titre Sang ou la rivière. Je pleure la mer, un jour sans toi, bébé c'est trop beaucoup. J'ai fait pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où mon bébé, sans même mon poéré. Une minute je pleure la rivière, une heure je pleure la mer. Un jour sans toi, bébé c'est trop beaucoup. Coucou blesse mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans où mon bébé, et toi je t'en rêvais. Baby girl c'est ton amour, ma seule richesse. C'est là que j'ai toujours donné mes caresses. Nous sommes celles à faisons notre promesse. Que jamais nous va séparer, tu vas rester ma princesse. À chaque fois tu es absent, mon corps est vêtu de deux. Quand tu as mes côtés, moi nous laisse passer avec vitesse. Ne laisse pas Satan nous contrôle pour faire des mauvais gestes. Je vais pleurer un océan pour que tu sois ma princesse. Je pleure la rivière, une heure loin, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. J'ai fait pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où mon bébé, sans même mon poéré. Une minute, je pleure la rivière, une heure loin, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Coucou, blesse mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans où mon bébé, des fois je t'aurais rêvé. Je vais te faire savoir que mes paroles sont sincères. Donne tout mon amour à cause du compte mon vrai valet. Ce jour on se sépare, tu vas me quitter en plein. Donne tout mon amour à cause du compte mon vrai valet. Parfois je suis coupable, j'essaie d'éclairer mon innocence. Tu me pardonnes parce que tu m'aimes et tu me donnes aucune sentence. La seule façon d'oublier mes torts, car c'est pas ta présence. Une minute sans toi, chérie, je me sens en défaillance. Une minute, je perds la rivière. Une heure, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan. Toi que j'aime infiniment. Sans où, mon bébé. Toi, quand je suis avec toi, la vie est vraiment un plaisir. Ivre ou quand en moi, on nous regarde nos futurs. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu désires. Je t'ai promis sans aucun doute, je vais tout accomplir. Les temps ivre, j'ai offert mon simple grand plaisir. Serre-moi, attends-moi, continue de venir. Je veux donner ma vie, voir ce sourire sur ta figure. Car si on se sépare, je sais que c'est moi qui vais souffrir. Une minute, je perds la rivière, une heure, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Je fais pleurer un océan, toi que j'aime infiniment. Sans où, mon bébé, sans même mon poêle. Une minute, je perds la rivière, une heure, je pleure la mer. Un jour sans toi, baby, c'est trop beaucoup. Tout pour blesser mon sentiment, ça fait longtemps que je t'attends. Sans où, mon bébé, et toi, je t'aurais rêvé. Sans ou la rivière, le groupe des îles Tube de l'été 2005. Rendez-vous lundi matin pour un nouveau tube de l'été. Il est presque 8h59, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, nouvelle émission intitulée Un autre monde. À 11h, ce sera la rediffusion de Durablement Vôtre. À midi, la bulle de l'IA consacrée à Rock les Bains. 13h30, la rediffusion des secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. 15h, nouvelle émission Voyage intérieur éduqué à la joie de Richard Federman. Ensuite, eh bien, rendez-vous à 21h avec Vincent pour Vivre et créer à la montagne. Minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Bonne journée et excellent week-end. Ciao, bye bye.